السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le sixième cours, si je ne me trompe pas, dans l'explication de cet épître de Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah ta'ala wa shafah. Et donc nous nous étions arrêtés à la cinquième qa'ida. Dans la cinquième règle. Et donc, je poursuis pour terminer cette cinquième qa'ida et peut-être rentrer aussi dans la sixième. Donc, nous avions expliqué, où nous étions arrêtés, là où le Cheikh explique, et après avoir cité plusieurs versets, il dit que ces versets et ceux qui vont dans leur sens sont des textes clairs et explicites pour deux choses. La première, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui attribuer d'associé. Et la deuxième, de mettre en garde contre le shirk, contre le polythéisme. Et donc le shirk, après cela, il dit وَالرَّابِطُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَسْتَقِيمُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا خَالِصَةً حَتَّى يُجَانِبَ الْمَرْءُ الشِّرْكَ كُلَّهُ. Donc le Cheikh, il dit, et le lien qu'il y a entre ces deux choses, c'est-à-dire l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, et l'interdiction ou le fait d'interdire le shirk, ou l'interdiction du shirk, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh, il dit que le lien qu'il y a entre ces deux choses, et Allah est plus savant de cela, c'est que l'adoration pour Allah, même si l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle est faite sincèrement, elle ne peut pas être correcte jusqu'à ce que la personne s'écarte de tout polythéisme, de tout le shirk. C'est-à-dire que le shirk, il dit que le lien qu'il y a entre ces deux choses-là, l'obligation d'être sincère dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait et l'interdiction de lui attribuer un associé et de faire du shirk, le lien qu'il y a entre ces deux choses-là, c'est que l'adoration pour Allah, elle ne peut pas être correcte, même si elle est faite sincèrement, elle ne peut pas être correcte jusqu'à ce que la personne s'écarte de tout polythéisme, de tout shirk. قد يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادات لكنه مشرك في بعضها هذا من جهة. Donc d'un côté, on peut trouver quelqu'un qui va unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans une adoration ou dans plusieurs adorations, mais qui va attribuer un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres adorations. Et ce que le Cheikh, il veut dire par là, c'est que ta sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans une adoration, elle ne veut pas dire que forcément tu n'es pas tombé dans du shirk, dans une autre adoration. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous appelle à l'unifier dans l'adoration et il nous appelle également à délaisser le shirk, le polythéisme, pour qu'on réunisse entre les deux choses, le délaissement du shirk et l'accomplissement et l'application du tawhid. Et également le shirk, il dit « وَمِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ أَنَّهُ مَا كَانَتِ الْمُفَاصَلَةُ وَالْمُصَارَمَةُ بَيْنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم أن يعبدوا الله وحده. Et d'un autre côté, également, toujours pour expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à l'adorer en lui vouant un culte exclusif, et de l'autre côté, il nous appelle à délaisser le shirk, il dit, et d'un autre côté, yani, il explique le shirk que d'un autre côté, la séparation et la rupture qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple, elle n'est apparue que lorsque les prophètes ont appelé leur peuple à adorer Allah uniquement, sans lui attribuer aucun associé. فَلَوْ قِيلَ لِلْأُمَمْ اُعْبُدُ اللَّهِ أَخْلِصُوا لَهُ عِبَادَتَكُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ما حصلت مفاصلة ولا نزاع لكن كانت المصارمة والمقاطعة بل وحز الرؤوس وما استحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم للتوحيد. Donc le cheikh il dit, car si jamais les peuples il aurait été dit adorez Allah, juste ça, adorez Allah, et soyez sincères dans votre adoration pour lui, et qu'il l'aurait appliqué, il n'y aurait pas eu de séparation, ni de divergence. Mais la rupture et la séparation, elle n'a eu lieu que lorsque les peuples ont refusé le tawhid, et les prophètes n'ont pas rendu licite les sangs et les biens de leurs opposants que lorsque les peuples ont refusé et ont rejeté le tawhid, ont rejeté le monothéisme. فَالْأُمَمُ تَنَكَّرُوا لَمَّا قِيلَ لَهُمْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول لأنهم تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. Donc les peuples, ils ont refusé l'appel des prophètes lorsqu'il leur a été dit adorer Allah seul. Naam. Et cette chose-là, yani d'adorer Allah uniquement, sans lui attribuer aucun associé, cette chose-là, yani, n'était pas une chose à laquelle ils étaient habitués. Ce n'était pas une chose normale pour eux. Et ce n'était pas une chose acceptable. Pourquoi ? Parce que leur saine nature sur laquelle Allah les avait créés, parce que leur saine nature sur laquelle Allah les a créés a été souillée. Leur saine nature a été souillée. Et les diables, les shayatines, ils les ont détournés de leur saine nature par la ruse. Et ils les ont fait, et ils les ont écartés de la religion droite et de la saine nature, jusqu'à ce qu'ils ont adoré les statues et les idoles. فالله سبحانه وتعالى لم يريد أن يعبد غيره لأنه هو وحده المستحق للعبادة. Donc Allah سبحانه وتعالى, il n'a pas voulu qu'autre que lui soit adoré, car il est le seul à mériter l'adoration, il est le seul digne d'adoration. فقريش كانت لهم عبادات في الجاهلية، كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشورا، فكلها ما قبلها الله سبحانه وتعالى منهم. Donc il faut savoir que les Quraishites, le peuple de Quraysh, ils avaient des adorations à l'époque anti-islamique, à l'époque de l'ignorance, ils avaient des adorations. Ils affranchissaient des esclaves, ils faisaient le pèlerinage, ils faisaient l'aumône, ils jeûnaient le jour de Ashura. Et toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas acceptées d'eux. Limada, pourquoi ? لِأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعِبَادَ مِنَ الشِّرْكِ. Donc pourquoi Allah n'a pas accepté toutes ces adorations qu'ils ont faites? Il ne les a pas acceptées car il est le seul. Il est le seul digne d'être adoré en vérité. Rien ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde les serviteurs contre le polythéisme, contre le shirk. وَلَمْ يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّهِ. Il ne s'est pas simplement limité à l'interdire. فَتَارَةً كَانَ التَّحْذِيرُ بِعَدَمِ مَغْفِرَةِ الشِّرْكِ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ. Mais des fois, vous allez trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le shirk en disant qu'il ne pardonne pas le polythéisme, il ne pardonne pas le shirk à celui qui meurt dessus. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Wa taratan bi bayan annahu muhbit lil amal fala yaqbalu Allah ma'ahu 'amalan wa in kanat al a'mal amthal al jibal. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre le shirk, contre le polythéisme, en expliquant que le polythéisme annule l'œuvre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre avec le shirk, avec le polythéisme. Même si la personne a fait des œuvres aussi grandes que des montagnes. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: et il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé si tu attribues un associé à Allah, ton œuvre sera annulée et tu seras parmi les perdants. فهذا الخطاب موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce discours, cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala l'a adressé au prophète صلى الله عليه وسلم. وقد علم الله انه لن يشرك به. Et يعني Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il s'adresse au prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il a su, hein, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais commettre de shirk, ne va jamais commettre d'acte de polythéisme. Wa hashahu sallallahu alayhi wa sallam. Et il est bien loin de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu wa jami'u man madha min ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin ma'sumun min ash-shirk billah. Car certes, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui l'ont précédé parmi ses frères, les prophètes et les messagers, lui et tous les prophètes et tous les messagers sont préservés de tomber dans le shirk, dans le polythéisme. Wa sahihu annahum ma'soumouna min al-kaba'ir wa kadhalikum min sara'ir al-khissa. Et L'avis prépondérant également, c'est que les prophètes sont préservés des grands péchés, tout comme également ils sont préservés des petites turpitudes. ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو قدوتها وهو المبلغ لها ما أراد الله منها من شرعه. طيب. Donc si là le cheikh il nous explique, يعني si Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé au prophète صلى الله عليه وسلم dans ce verset, il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu attribues un associé à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi les perdants. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au prophète dans ce verset alors qu'il savait très bien qu'il n'allait pas commettre de shirk. Car lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes avant lui, ils sont préservés de tomber dans le shirk, belle, mais carrément ils sont préservés de tomber dans les grands péchés ou dans les petites turpitudes. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, c'est parce que le prophète est le guide de cette communauté et il est son exemple et il est celui qui transmet à la communauté ce qu'Allah attend d'elle par sa législation. Et cela, un petit rajout de ma part, certains ulama, certains savants également l'expliquent en disant que si Allah subhanahu wa ta'ala il dit cela au prophète, que si le prophète il commettrait du shirk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala annulera son œuvre et que dans l'au-delà le prophète serait parmi les perdants s'il commettait du shirk, donc si Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète par là, donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus sous la menace de ce verset, que s'il commet du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala annulera son œuvre et le mettra parmi les perdants dans l'au-delà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Donc si le meilleur des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, est le meilleur garde de tomber dans le shirk, auquel cas son œuvre sera annulée et il sera parmi les perdants dans l'au-delà, donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus concerné par ce verset. Car nous, contrairement aux prophètes et aux messagers, nous ne sommes pas infaillibles. Qu'Allah nous préserve du shirk apparent et caché. Wa amma min as-sunnati fa kama anna kitab Allah yazkharu bi wujub ikhlas ad-din lah wal ibadah lah والتحذير من الشرك به فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت بهذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني مع العمل. Donc le cheikh il dit, et quant à la sunna, de la même façon que le livre d'Allah, le Coran, est rempli de versets qui nous appellent à qui nous obligent à vouer à Allah un culte exclusif et à n'adorer que lui, et de la même façon que le Coran contient des versets qui mettent en garde contre le shirk, contre le polythéisme, et bien également la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle contient beaucoup de hadiths rapportés par plusieurs personnes, qu'on appelle en arabe tawatur. Donc il y a beaucoup de hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'adorer lui uniquement et à ne pas commettre de shirk. Et tous ces hadiths, ils impliquent la science avec certitude, ainsi que l'action. C'est-à-dire que tu sois sûr que tu es la science et que tu es la certitude qu'Allah est le seul que tu dois adorer et que tu ne dois pas commettre de shirk. et tu dois l'appliquer. Tu dois le savoir avec certitude et tu dois l'appliquer. Ensuite, le cheikh, il dit « وَأَنَا ذَاكِرٌ لَكُمْ بَعْضَ مَا فِي هَذَا الْبَابِ » Et je vais vous citer certains hadiths dans le domaine. « الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه » Le premier hadith, le hadith d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه قال « سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك Et ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, le premier hadith que le cheikh a cité, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, dans lequel il dit « J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire péché auprès d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est que tu attribues à Allah un égal, alors qu'il est le seul à t'avoir créé, alors que c'est lui qui t'a créé. » Et le plus grave et le pire des péchés auprès d'Allah, c'est que tu lui attribues un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Ensuite, Ibn Mas'ud, il dit, et je lui ai demandé, je lui ai dit, certes, ceci est très très grave. Puis ensuite, quelle est la chose pire après cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est que tu tues ton enfant de peur qu'il mange avec toi. C'est que tu tues ton enfant de peur qu'il mange avec toi. Et bien sûr, rentre dans cela, l'avortement sans raison valable religieusement parlant. L'avortement sans raison valable religieusement parlant entre dans le fait de tuer son enfant de peur qu'il mange avec toi. Comme ceux qui ont peur, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins des enfants s'ils naissent. Taïb. Ensuite, dans la suite du hadith, Ibn Mas'ud il dit, j'ai dit ensuite, quelle est la pire des choses après cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est que tu forniques avec la femme de ton voisin. Et le hadith, comme je l'ai dit précédemment, est rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith الثاني, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Al hadith. Le deuxième hadith, qui montre l'obligation d'adorer Allah seul et de ne pas lui attribuer d'associé, c'est le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah agrée pour vous trois choses, et il méprise pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez sans lui attribuer quelque associé que ce soit, que vous l'adoriez et que vous ne lui attribuez et sans lui attribuer quelque associé que ce soit, jusqu'à la fin du hadith. Et dans la suite du hadith, la deuxième des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an talzamu jama'at al-muslimin wa thalitha أن تناصحوا من ولاه الله أمركم أو أن تجتمعوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الثانية. Donc la deuxième dans la suite du hadith, parce que là le cheikh a retracé a cité juste la partie du hadith concernant le tawhid et l'interdiction du shirk. Et dans la suite du hadith, donc parce que le prophète il dit Allah agrée pour vous trois choses. La première, c'est que vous l'adoriez sans lui attribuer quelque associé que ce soit. La deuxième, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et la troisième, c'est que vous portiez conseil à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Jusqu'à la fin du hadith. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمتهم شتى ودينهم واحد. Également, le troisième hadith que le Cheikh a cité, c'est un hadith qui est aussi rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis celui qui est le plus en droit d'être affilié à Isa, fils de Maryam, sur terre et dans l'au-delà. Et ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes les prophètes sont des frères, yani, qui ont le même père et qui ont plusieurs mères. Ils ont plusieurs mères et leur religion est une. L'explication de ce hadith, comme les ulama l'expliquent, c'est-à-dire que les demi-frères qui sont du même père, mais qui sont de mères différentes, donc ce qui les réunit et qui fait d'eux des frères, c'est leur père. Mais ils ont chacun des mères différentes. De la même façon, les prophètes. De la même façon, les prophètes, alayhim salatu wassalam, la base de leur religion, elle est une. C'est quoi? C'est appeler les gens à adorer Allah uniquement en lui vouant un culte exclusif et à délaisser toute forme de shirk. Donc ça, c'est quoi? C'est la base de la religion de tous les prophètes, at-tawhid, d'appeler les gens au monothéisme. En comparaison avec le père des demi-frères. Donc la base de la religion des prophètes, elle est une, elle est unique. C'est quoi? C'est le tawhid, le monothéisme. Tous ont appelé leur peuple au tawhid, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et à l'unifier dans l'adoration, et à délaisser toute forme de shirk. Tandis que leur législation, le halal et le haram, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, etc., chaque prophète, selon sa législation et selon son époque et selon son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu des choses obligatoires sur certains peuples qu'il n'a pas rendu à d'autres, et il a interdit des choses à certains peuples qu'il n'a pas interdit à d'autres. Donc les prophètes, au niveau des détails de la législation en ce qui concerne le halal et le haram, ce qui est obligatoire, les obligations et les interdictions, et leur religion diverge à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs... Il y a plusieurs règles différentes entre les différents messages des prophètes. Mais la base de leur religion, elle est unique. Et c'est quoi? C'est le tawhid. D'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Tout comme les demi-frères, ils ont le même père, mais ils ont plusieurs mères. Des mères différentes. Tayyib. Ensuite, le Cheikh, il dit: فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة ظهر لنا دلالتها على الأصلين دلالة ظاهرة جلية ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي أولا وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ثانيا أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به ثالثاً أن دين الأنبياء واحد. Donc le Cheikh, il explique, il dit, si nous méditons sur ces trois hadiths que je viens de citer, il nous apparaît clairement et d'une manière évidente que ces trois hadiths viennent nous indiquer les deux bases qu'il a citées. Yani, l'obligation d'adorer Allah uniquement et l'interdiction de commettre du shirk. Ensuite, Cheikh il dit, et cela car ces trois, car c'est tous ces hadiths sont, vont dans le même sens, dans le fait premièrement qu'il est obligatoire de vouer à Allah un culte exclusif. Deuxièmement, ils sont tous, ils vont tous dans le même sens, dans le fait que le shirk, le polythéisme, est le pire des péchés par lequel Allah est désobéi. Et troisièmement, tous ces hadiths vont dans le même sens en prouvant que la religion des prophètes est une, elle est unique. Elle est la base de la religion des prophètes, qui est le tawhid. فظهر بهذا البيان أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها. Donc, il nous apparaît clairement, après cette explication, que ces hadiths sont en accord avec les versets qui ont été cités avant. وبهذا لعلكم أدركتم أن الدعوة إلى وحدة الأديان من أبطل الباطل. Et de là, vous avez sûrement saisi que le fait d'appeler à l'universalité des religions fait partie des choses fausses les plus évidentes. L'universalité des religions, ce sont ceux qui disent que le judaïsme, le christianisme et l'islam, en réalité, tout ça, c'est la même religion et tous les juifs, les chrétiens et les musulmans vont tous au paradis. C'est cela l'universalité des religions. Ceux qui disent que toutes ces religions, en réalité, ce sont une seule religion et que peu importe que tu sois juif, chrétien ou musulman. Donc, Cheikh, il dit, par là, il vous apparaît clairement la fausseté de cet appel à l'universalité des religions. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى باليهودية. Et cela car Allah n'a pas envoyé Moussa avec le judaïsme. فاليهود علم على فئة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. Car les juifs, les juifs, c'est un nom qui a été donné à un groupe particulier parmi les enfants d'Israël, et ce sont ceux qui ont modifié la Torah après Moussa alayhi salam, après la mort de Moussa alayhi salam. Wa qad kana minhum lahu sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi min al-adha wal-inad wa mukhalafatihi jiharan wa tahaddihi sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Moussa alayhi salatu wassalam, il a subi de leur part pendant sa vie beaucoup de préjudices et beaucoup d'obstination et de contradictions de manière apparente. Et ils l'ont même mis à l'épreuve. Ils l'ont défié. Mais Moussa alayhi salam a patienté et a enduré. Wa ayatul Qur'an allati tadhkuru makhazil qawm 'an al-yahud min bani Israil kathira akthar min an tuhsa kama anna Isa. Donc ensuite Cheikh il dit, et les versets du Coran qui citent toutes les villes. Et les versets du Coran qui citent toutes les traîtrises de ce peuple, c'est-à-dire les juifs parmi les enfants d'Israël, les versets du Coran qui citent les ruses et les traîtrises de ce peuple, les juifs, sont très nombreux et sont indénombrables. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Les versets du Coran qui citent la traîtrise ou les traîtrises des juifs. كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله بالنصرانية. Et de la même façon, Isa alayhi salam, il n'a pas, Allah ne l'a pas envoyé avec le christianisme. فَالنَّصْرَانِيَّةَ فِئَةٌ أُخْرَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَرَّفَتِ الْإِنْجِيلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ. Car certes, le christianisme, les chrétiens, c'est un autre groupe parmi les enfants d'Israël qui ont modifié l'évangile avec lequel était venu Isa alayhi salam de la part d'Allah. فَكِلْتَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ مُحَرِّفَةٌ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهَا مِنْ كِتَابٍ وَجَعْلَ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورَ وَالْمَوْعِظَةِ فَكَيْفَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ تَكُونُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَكَيْفَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ تَكُونُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ دِيَانَتَيْنِ سَمَاوِيَّتَيْنِ وَكَيْفَ نَرْضَى بِالدَّعْوَةِ إِلَى وَحْدَةِ الْأَدْيَانِ فلا يغرنكم من يدعو إليها ولو كان منا ويتكلم بألسنتنا. Et donc le cheikh il dit, que donc ces deux groupes parmi les enfants d'Israël, les juifs d'un côté et les chrétiens de l'autre, ces deux groupes parmi les enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens, ont modifié ce qu'Allah a fait descendre sur leur prophète comme livre, et dans lequel Allah avait mis la guidée, la lumière et l'exhortation. Donc comment par Allah peut-on dire que le judaïsme et le christianisme sont deux religions célestes? Et comment pouvons-nous accepter et agréer l'appel à l'universalité des religions, Wahdatul Adyan? Donc que ceux qui appellent à cela, à l'universalité des religions, que ceux qui appellent à cela ne vous trompent pas. Même si ces gens-là font partie de nous et qu'ils parlent notre langage. Et ici je rajoute, comme si le cheikh ici faisait une allusion à Ali Hassan. Ali Hassan al-Halabi, qui a écrit, ou plutôt, qui a signé une lettre qui avait été écrite en Jordanie, dans laquelle il y avait un appel à l'universalité des religions, et Ali Hassan a fait les éloges de cette lettre écrite en Jordanie, Ali Hassan a fait les éloges de cette lettre dans laquelle il y a de l'appel à l'universalité des religions. Puis lorsqu'il a été repris là-dessus par les ulamas, lorsque les ulamas lui ont dit, comment se fait-il que tu fais les éloges d'une lettre dans laquelle il y a l'appel à l'universalité des religions, comme quoi les juifs, les chrétiens, les musulmans, on est tous pareils, et on est tous ensemble, et on va tous au paradis. Lorsqu'il a été repris là-dessus, il a dit, non, mais moi je combats l'universalité des religions depuis longtemps. Très bien. Si tu combats l'universalité des religions depuis longtemps, et que tu vois que dans cette lettre il y a cela, pourquoi tu fais les éloges de cette lettre alors? Si vraiment tu es sincère dans le fait que, si jamais tu es sincère dans le fait que tu combats l'universalité des religions, alors tu ne dois pas faire les éloges de cette lettre. Et comme tu as fait les éloges de cette lettre, on va dire que tu n'avais pas vu ce passage. Donc les ulamas l'ont clairement exposé. Donc maintenant tu dois te repentir de cela. Et tu dois dire que cette lettre est une mauvaise lettre. Et qu'il y a des choses à rectifier dedans qui contredisent la religion. Et le pire, c'est que parmi les suiveurs de Ali Hassan, dans son forum sur le net et ailleurs, on voit des gens qui viennent et qui disent, oui, mais Cheikh Rabir a fait la même chose. Cheikh Rabir également a assisté à un colloque dans lequel il y avait, dans lequel ça parlait du discours interreligieux ou du dialogue interreligieux, et il y avait aussi des paroles par rapport à l'universalité des religions ici en Arabie Saoudite. Et la réplique, on ne va même pas citer les salafis qui ont défendu Cheikh Rabia là-dessus. On va citer parmi ses plus grands ennemis, les Ikhwan Muslimoun, les frères musulmans. Ce sont eux qui comptent, ceux qui ont assisté à ce colloque et qui ont vu ce que Cheikh Rabia a dit pendant ce colloque. Ce sont eux qui ont défendu Cheikh Rabia sur cette accusation. Et ils ont dit qu'on n'a pas vu quelqu'un qui a le mieux expliqué ce qui est permis dans le dialogue interreligieux, ce qui n'est pas permis, et qui a le mieux mis en garde contre l'universalité de religion que Cheikh Rabia. C'est celui qui a le mieux parlé dans ce colloque, en réfutant l'appel à l'universalité des religions, et en expliquant ce qui n'est pas permis dans le dialogue interreligieux, et en expliquant ce qui est permis dans le dialogue interreligieux. Donc il y a une grande différence entre Ali Hassan, qui fait les éloges d'une lettre dans laquelle il y a de l'appel à l'universalité des religions, et entre Cheikh Rabia qui assiste à un colloque dans lequel il y a peut-être de l'appel à l'universalité des religions, mais que Cheikh Rabia le réfute. Cheikh Rabia lui a réfuté, alors que Ali Hassan lui a fait les éloges. Donc, comme Cheikh Obeid l'a dit à la fin de l'explication de cette règle, que ceux qui appellent à cela, à l'universalité des religions, ne vous trompent pas. Ne soyez pas trompés. On va rapidement commencer à rentrer dans la sixième règle. Puis nous arrêterons, Inch'Allah, et nous terminerons la semaine prochaine, Inch'Allah, car pendant ces temps-ci, depuis le début de cette semaine et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, il y a le séminaire Ibn al-Qayyim qui est supervisé par Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, et dans lequel, auquel j'assiste, et c'est pour cela que je n'ai pas fait d'intervention pendant toute la semaine, et c'est pour cela que je ne ferai pas d'intervention également pendant la semaine prochaine, jusqu'à jeudi prochain, Inch'Allah, pour terminer cela. Et donc, Inch'Allah ta'ala, on va lire un petit peu encore. Puis, nous terminerons la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh Obeid, il dit, al-qa'idatu sadisa, la sixième règle de base dans le manhaj salafi, fi shahadatayn, concernant les deux attestations de foi, ou l'attestation de foi. Al-shahadatani fi al-ma'na al-shar'i هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. Les deux attestations de foi, d'un point de vue religieux, c'est que l'être humain responsable reconnaisse l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا فإنهما أول ما يبدأ ولذا ولهذا عفوا ولهذا فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن بها. Et c'est pour cela que l'attestation de foi, c'est la première chose par laquelle on commence en islam. Et personne ne peut rentrer dans l'islam jusqu'à ce qu'il la prononce ouvertement. وَالْكَلَامُ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ يَتَضَمَّنُ عِدَّةَ فُرُوعٍ. Et l'explication ou le commentaire concernant l'attestation de foi contient plusieurs sous-chapitres ou plusieurs parties. الفرع الأول في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين ما هو. Donc la première partie de cela, la première partie de la parole de Cheikh Obeid concernant l'attestation de foi, il dit quelle est la cause qui a empêché les polythéistes, les polythéistes à la Mecque, quelle est la cause qui a empêché les polythéistes de la Mecque de prononcer les deux attestations de foi, l'attestation de foi. Cheikh il dit Quraysh wa man hawlaha min ahli al-jazira arab aqhah hum arbab al-fasahah wa qadat al-balaghah fi al-arabiyyah wa ya'rifun madlulat al-alfaz wa yafhamun maqsud al-mutakallim min kalamihi. Donc tout d'abord, il nous explique qui sont Quraysh, qui sont les Quraishites. Il nous dit Cheikh, Quraysh et ceux qui étaient autour d'eux parmi les gens de la péninsule arabique, ce sont des Arabes purs. Et ce sont les maîtres. Ils étaient les maîtres. Ils étaient les maîtres de l'éloquence et de la rhétorique arabe. Ils connaissaient l'implication des termes et ils comprenaient ce que la personne voulait dire par ses paroles. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة يدعوهم إلى هذا والقليل هم الذين استجابوا له مثل السابقين الأولين من المهاجرين. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il est resté parmi eux pendant 13 années. Pendant 13 ans, le prophète صلى الله عليه وسلم est resté parmi eux à la Mecque. En les appelant à cela, à dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Et peu parmi eux ont répondu à son appel, tels que les tout premiers parmi les muhajirin. فَلِمَاذَا كَانَ التَّنَكُّرُ وَالْعِنَادِ بَلْ وَنَبْذُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَبْشَعِ الْأَلْفَاظِ كَالسَّاحِرِ وَالْكَاهِنِ وَالْمَجْنُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْقَابِ. Donc, le prophète sallallahu le cheikh nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à les appeler à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qu'il n'y en a que très peu qui ont répondu à son appel. Donc pourquoi ont-ils refusé et se sont-ils obstinés? Et pourquoi carrément ils l'ont insulté par les pires insultes, en disant de lui que c'était un sorcier, un devin, un fou, etc., parmi tout type d'insultes? Pourquoi? Pourquoi ils ont refusé? Pourquoi ils l'ont insulté? السبب واضح وهو أنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ألزم نفسه بمفاصلة الآلهة ومصارمتها وخلع عبادتها وإبطالها. La raison elle est claire. C'est parce qu'ils ont su que celui qui dit la ilaha illallah, il s'impose à lui-même de délaisser les fausses divinités, toutes les fausses divinités, et de les rejeter, et de délaisser totalement leur adoration et de l'annuler. فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم ما امتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مقرون بهذا مقرون بالربوبية والله جل جلاله قد قص علينا خبرهم فيما لا يحصى من آية التنزيل الكريم. Donc Cheikh il nous dit ils ont compris que la parole la ilaha illallah, elle ne voulait pas dire qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, l'organisateur de tout cet univers. Car s'ils auraient compris cela de cette parole, ils n'auraient pas refusé l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'auraient pas refusé de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette chose-là, ils y croyaient déjà, ils le reconnaissaient. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire, ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur le gérant de tout cet univers. Ça, ils le reconnaissaient. Donc, s'ils auraient compris que la ilaha illallah voulait dire ça, ils n'auraient pas refusé de rentrer dans l'islam. Mais ils ont très bien compris, comme le cheikh a expliqué avant, ils avaient très bien compris que la ilaha illallah, s'ils le disaient, ça voulait dire qu'ils devaient délaisser toute leur divinité, toute leur fausse divinité. Ensuite, cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cités sur eux, il en dit sur les Quraysh, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de la situation des Quraishites dans plus d'un verset du Coran. Min dhalikum qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la situation des Quraishites de la Mecque, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée, bien sûr, du sens du verset, « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vivent, ceux qui étaient avant vous. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Celui qui a fait pour vous, celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit, et qui a fait descendre du ciel la pluie pour faire sortir. Et qui a fait descendre de la et qui a fait descendre du ciel la pluie pour en faire sortir beaucoup de fruits comme subsistance pour vous. Donc n'attribuez pas d'ego à Allah alors que vous savez cela. Wal ma'na la taj'alu lillahi mudara ta'budunahum ma'ahu وَتُمَّحِّدُونَهُمْ الْمَحَبَّةَ كَمَا تُحِبُّونَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ فِي هَذِي الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَ. Et le sens de ce verset, le cheikh il explique, le sens de ce verset, ou de ces versets, la signification de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ne donnez pas à Allah des égaux, de telle sorte que vous les adorez avec lui, et que vous leur consacrez l'amour, comme tout comme vous aimez Allah, alors que vous savez qu'Allah n'a pas d'égal dans ces choses qu'il vous a citées. Dans le fait qu'il vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé, dans le fait qu'il vous a mis la terre comme lit et le ciel comme toit, et qu'il a fait descendre la pluie du ciel pour sortir de la terre tout type de fruits comme subsistance pour vous. Donc si vous savez cela, pourquoi alors vous lui attribuez des associés? Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui vous a créé. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui pourvoit à vos besoins et qui vous accorde la subsistance. Et qu'il a tout fait pour que vous soyez bien sur terre. Donc pourquoi vous lui attribuez des associés et des égaux alors que vous savez cela? Ensuite, Cheikh, il dit, خاطبهم الله جل جلاله بذلك لأنهم مقرون بأن الله وحده هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة في الآية. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux par ses paroles. Pourquoi Allah il leur dit ça? Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé, etc. jusqu'à la fin des versets. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à eux par ces paroles là? Parce que eux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'ils reconnaissaient qu'Allah était le seul et l'unique à faire ces choses-là qui ont été citées dans le verset. وَمِنْ ذَلِكُمْ قَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Également, parmi les versets dans lesquels Allah nous explique la situation et l'état des mouchriquines, des polythéistes de la Mecque. Le verset dans lequel Allah SWT dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront certainement Allah. Ils répondront certainement Allah. Ensuite, Cheikh il dit, فالقوم مقرون بالربوبية فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية وهي إخلاص العبادة له هذا معنى لا إله إلا الله باختصار وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. Donc, Cheikh il dit que donc ces gens-là, les mouchriquines de la Mecque, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'a pas cité la seigneurie, si ce n'est pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la seigneurie dans le Coran pour obliger ces gens-là à reconnaître également sa divinité, qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. En gros, lorsque le Cheikh il dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque dans le Coran, il nous dit que c'est lui qui a créé, que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, c'est lui qui accorde la subsistance, etc., etc., parmi toutes ces choses qui font partie de la seigneurie d'Allah, Allah nous cite toutes ces choses-là pour obliger ceux qui reconnaissent cela, comme quoi Allah c'est le seul créateur, comme quoi Allah c'est le seul pourvoyeur, comme quoi Allah c'est le seul organisateur de cet univers, pour que ces gens-là, ils soient obligés, une fois qu'ils reconnaissent que Allah est le seul créateur, qu'ils soient obligés de reconnaître également que c'est le seul Dieu, et le seul à mériter d'être adoré. Puis le Cheikh, il dit, et de reconnaître donc la divinité d'Allah, c'est quoi ? C'est de l'adorer lui uniquement en lui vouant un culte exclusif. Et cela, c'est la signification de la ilaha illallah en résumé. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah en résumé. C'est-à-dire, nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. Nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. فالمشركون عرفوا هذا فمن قالها أبطل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. Et donc, les mouchrikoun, les associateurs de la Mecque à l'époque, ils ont très bien su cela. Ils ont très bien su cela. Ils ont su que s'ils disaient la ilaha illallah, ça impliquait qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Et donc il dit le shir, celui qui dit cette parole, il a certes annulé et rendu vain et caduque toute divinité en dehors d'Allah. J'ai bientôt fini. Après le shir, il a cité un hadith. Après le shir, il a cité un hadith, mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a rendu ce hadith faible, donc nous ne le citons pas, mais c'est un hadith que le Cheikh a cité en plus des versets qu'il a cités précédemment et qui va dans le même sens. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, a rendu la chaîne de transmission de ce hadith faible, donc nous ne le citons pas. Donc le Cheikh là, il nous a expliqué la signification de la ilaha illallah en résumé, qui est nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. Ensuite, Cheikh il dit: "Wa amma al-ma'na al-mabsut li la ilaha illa Allah, fa innahu bi'i'tibari al-murakkabayn alladhayn tatarakkabu minhumā hadhihi al-kalimah, la ilaha illa Allah, fa hiya jumla." Quant au sens détaillé de la parole la ilaha illa Allah, lorsqu'on prend, Cheikh nous explique en gros qu'elle se divise en deux parties. Elle est divisée en deux parties, cette parole, la ilaha illallah. C'est une phrase qui se divise en deux parties. Il nous dit, Cheikh, ensuite, فَلَا إِلَهَا nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Donc quand tu dis la ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité, là tu as réfuté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa illallah, la deuxième partie, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah. Et la parole donc illallah, là tu confirmes l'adoration pour Allah uniquement. Donc ce sont les deux parties qui composent la parole la ilaha illallah. La parole la ilaha illallah, l'attestation de foi la ilaha illallah, elle est composée de deux parties. La ilaha, il n'y a pas de divinité, pour réfuter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, sauf Allah, pour confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui doit être adoré. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Ce sont les deux parties qui composent cette phrase. فَكَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ كَذَلِكَ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ. Donc de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans sa royauté, de la même façon il n'a pas d'associé dans son adoration. Yani, si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul roi et le seul maître de tout cet univers, qu'il est le seul Dieu, le seul créateur, le seul possesseur de tout cet univers, le seul organisateur de tout cet univers, le seul pourvoyeur de tout cet univers, si tu reconnais cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir tout créé et à tout, et qu'il est le seul à tout gérer, de la même façon, tu dois reconnaître qu'il est le seul à être adoré, qu'il est le seul qui doit être adoré, et de là tu ne dois adorer que lui, et tu dois délaisser toute forme de polythéisme, toute forme de shirk. Ensuite Cheikh il dit fa idhan bana bihadha an al qawma ma ankaru ala an nabi sallallahu alayhi wa sallam da'watahum ila al qawli bi hadhihi al kalima illa li annahum ya'rifuna ma'naha tamaman bastan wa ikhtisara wa ala hadha فإن من نطق بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا عالما بمعناها عاملا بمقتضاها حقق تجريد الإخلاص لله وحده. Donc Cheikh il dit, et c'est là-dessus que je vais terminer aujourd'hui, il apparaît donc clairement que ces gens-là, les mouchriquins, les polythéistes de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas rejeter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont pas refusé de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les appelait à dire cette parole, si ce n'est pourquoi, si ce n'est parce qu'ils avaient compris ils avaient totalement compris la signification de cette parole en détail et en résumé. Et donc, par rapport à cela, celui qui prononce la parole « La ilaha illallah » avec sa parole, et qui agit en fonction de cela, et qui a la conviction, qui a la croyance en cette parole-là, il connaît la signification de cette parole, et il applique cette parole-là et tout ce qu'elle implique, cette personne-là, il aura concrétisé le fait de quoi, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu, un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui attribuer aucun associé. Et nous arrêtons ici, et bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine nous terminerons cet épître de Cheikh Ubayd, hafizahullahu ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.